Cette séance a pour but de vous aider à vous sentir plus en paix avec vous-même et ressentir plus de calme et de sérénité. Je vous propose de vous installer confortablement en position assise ou allongée sur votre lit ou sur un divan. Fermez les yeux tout doucement et mettez-vous dans une phase d'écoute de votre corps. Sentez la pression du siège et de votre divan sur votre dos. Vous sentez peut-être que votre corps devient plus lourd et s'appuie de tout son poids sur votre lit ou votre chaise. Je vous propose de suivre le va-et-vient de votre respiration. En laissant ce flux d'air s'exercer librement. À chaque respiration, votre corps se détend un peu plus. Maintenant, faites une respiration profonde. Pendant votre expiration, dites-vous intérieurement: je me détends. Je me sens bien. Je me laisse aller vers la détente. Portez votre attention sur votre visage. Vos yeux. Votre mâchoire. Sentez chaque sensation de cette partie de votre visage. Sentez chaque point de tension. Imaginez que toutes vos tensions de cette partie de votre visage se relâchent et se détendent seconde après seconde. Sentez maintenant que cette partie de votre visage se détende au fil de votre respiration. Votre visage, vos yeux, votre joue, votre front et votre mâchoire sont complètement détendus. Maintenant, que votre visage est détendu. Vous sentez peut-être des picotements, une sensation de légèreté, une chaleur ou une fraîcheur caressez votre visage. Relâchez complètement votre cou et vos épaules. Laissez-les aller. Ressentez ce flux de bien-être se diffuser le long de votre nuque et de votre cou. Vous êtes en train d'évacuer vos tensions, vos angoisses, vos peurs et votre négativité. Vous vous sentez mieux. Vous vous sentez bien. Le flux de bien-être se propage maintenant le long de vos bras et de vos avant-bras. Vous sentez le relâchement se propager sur vos poignets et vos mains. Vous sentez le poids de votre corps qui devient lourd, ainsi que vos poignets et vos mains. Vous ressentez le cycle de votre respiration qui soulève votre poitrine. Vous sentez peut-être votre ventre qui se relâche. Continuez à respirer. Relâchez-vous. Détendez-vous. Évacuez toutes les tensions qui se trouvent dans votre ventre. Libérez votre respiration. Observez ce mouvement calme et détendu. Observez votre respiration. Et respirez calmement. Relâchez vos hanches, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles et vos pieds. Vous avez peut-être remarqué des changements en vous. Accueillez ce changement sans juger, sans ruminer. Recevez ces changements tels qu'ils sont. Vous sentez peut-être, déjà, une détente de votre corps qui vous pousse petit à petit vers plus de calme intérieur. Vous sentez que vous avez le pouvoir de vous sentir bien. Laissez ce flux de calme s'installer en vous. Profondément. Laissez cette détente vous emmener dans un niveau de bien-être entre veille et sommeil. À chaque va-et-vient de votre respiration, vous sentez que votre corps tout entier se détend. Vous sentez en vous le calme et la paix faire partie de vous. Calme et paisible. Portez votre attention sur votre dos. Détendez tous les muscles de votre dos tout doucement. Ressentez cette sensation agréable que ce relâchement vous procure. Faites de même avec votre bassin. Détendez en pleine conscience. Et ressentez chaque moment de ce relâchement. Fixez votre attention au niveau de vos cuisses, de vos jambes et de vos pieds. Relâchez tout. Vous sentez que votre corps devient lourd et se calme peu à peu. Vous sentez que l'angoisse, votre peur, votre anxiété se dissipe face à l'énergie positive de cette détente. Maintenant, je vous propose de porter votre attention sur tout votre corps. Ressentez ce pouvoir que vous avez de détendre votre corps au fil des minutes. Votre corps dégage une énergie positive de la tête aux pieds. Appréciez ce moment que vous vous offrez. Ressentez le moment présent. Vous sentez que vous avez le pouvoir de vous sentir bien et complètement détendu. Grâce à ce moment de relaxation et à votre respiration, prenez conscience qu'il est possible de ressentir la sérénité et le calme intérieur rapidement. N'oubliez jamais de vous accorder quelques minutes par jour de relaxation. Cette vidéo a pour but de vous aider à revenir dans le moment présent, à mieux respirer et retrouver un rythme de vie fait de calme et de sérénité.